La Bible David Martin 1855. Le livre d'Abdia le prophète. Abdia chapitre 1. La vision d'Abdia. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, touchant Édom, nous avons ouï une publication de par l'Éternel, et un envoyé a été dépêché parmi les nations, et elles ont dit, courage, levons-nous contre lui pour le combattre. Voici, je te rendrai petit entre les nations, tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi qui habites dans les fentes des rochers, qui sont ta haute demeure, et qui dis en ton cœur, qui est-ce qui me renversera par terre? Quand tu aurais élevé ton nid comme l'aigle, et quand même tu l'aurais mis entre les étoiles, je te jetterai de là par terre, dit l'Éternel. Sont-ce des larrons qui sont entrés chez toi, ou des voleurs de nuit? Comment donc as-tu été rasé? N'eussent-ils pas dérobé jusqu'à ce qu'ils en eussent eu assez? Si des vendangeurs fussent entrés chez toi, n'eussent-ils pas laissé quelques grappillages? Comment a été fouillé l'Es à Utréma? Comment ont été examinés ces lieux secrets? Tous tes alliés t'ont conduit jusqu'à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi, t'ont trompé, et ont eu le dessus sur toi, ceux qui mangeaient ton pain, t'ont donné le coup par-dessous, sans qu'on l'aperçût. Ne sera-ce pas en ce temps-là, dit l'Éternel, que je ferai périr les sages au milieu des dômes, et la prudence dans la montagne de Accent Aiguës à Utréma? Tes hommes forts aussi seront éperdus, au témant, afin que les hommes soient retranchés de la montagne de Accent Aiguës à Utréma, à force de les y tuer. Là on te couvrira, et tu seras retranché pour jamais, à cause de la violence faite à ton frère Jacob. Lorsque tu te tenais vis-à-vis, quand les étrangers menaient son armée en captivité, et que les forains entraient dans ses portes, et qu'ils jetaient le sort sur Jérusalem, tu étais aussi comme l'un d'eux. Mais tu ne devais pas prendre plaisir à voir la journée de ton frère, quand il a été livré aux étrangers, et tu ne devais pas te réjouir sur les enfants de Juda au jour qu'ils ont été détruits, et tu ne les devais pas braver au jour de la détresse. Et tu ne devais pas entrer dans la porte de mon peuple au jour de sa calamité, et tu ne devais pas prendre plaisir, toi, dis-je, à voir son mal au jour de sa calamité, et tes mains ne se devaient pas avancer sur son bien au jour de sa calamité. Et tu ne te devais pas tenir sur les passages pour exterminer ses réchappés, ni livrer ceux qui étaient restés au jour de la détresse. Car la journée de l'Éternel est proche sur toutes les nations, comme tu as fait, il te sera ainsi fait, ta récompense retournera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté la coupe de ma fureur, ainsi toutes les nations la boiront sans interruption, oui, elles la boiront, et l'avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient point été. Mais il y aura des réchappées sur la montagne de Sion, et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison de Accent Aiguës à Utréma du chaume, ils s'allumeront parmi eux, et les consumeront, et il n'y aura rien de reste dans la maison de Accent Aiguës à Utréma, car l'Éternel a parlé. Ils posséderont le midi, savoir, la montagne de Accent Aiguës à Utréma, et la campagne, savoir, les Philistins, et ils posséderont le territoire d'Ephraïm, et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Et ces bandes des enfants d'Israël qui auront été transportés, posséderont ce qui était des Cananéens, jusque Sarepta, et ceux de Jérusalem qui auront été transportés, posséderont ce qui est jusque Séphara, ils le posséderont avec les villes du Midi. Car les libérateurs monteront en la montagne de Sion, pour juger la montagne de Accent Aiguës à Utréma, et le royaume sera à l'Éternel.